Fed Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Blacko. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue Blacko, comment ça va? Bah super, très bien. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Long time à ce micro en effet. Exactement. Et là t'es de retour avec un projet depuis aujourd'hui, hein. Il est sorti aujourd'hui c'est en digital. Sorti aujourd'hui, ouais, avec un clip aussi qui est sorti à 17h. Ouais, qui est arrivé tout à l'heure. Donc voilà, on est super content. Ça s'appelle Le Temps est compté, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un EP? Ouais, une petite mise en bouche avant l'album. Une petite mise en bouche. Voilà. Avec un album qui est en préparation, je crois, qui est prévu pour le printemps. Ouais, fin mai, début juin, on aimerait. C'est, bon, avant c'est l'été. Le créneau qu'on prévoit, quoi. Ouais, on va pouvoir découvrir et parler aussi de tout ce parcours de Blacko. Ouais. Ça a été une grande aventure pour faire, même pour revenir avec ce EP, j'ai l'impression. Une vraie aventure. J'ai l'impression que c'était une grande aventure. Des cascades, des péripéties. Waouh. Bon, on est bien content de t'avoir en tout cas toute la semaine. Tu n'es pas venu seul, hein. Non, parce que cet album, c'est aussi une aventure en commun. Ouais, voilà. C'est avec DJ Rice qui est là ce soir, là. Si. Mais toujours voilà. Classe comme d'habitude. Oui, c'est rien, ça. Ça va, Rice, en pleine forme? Trop bien. Trop bien. Alors, Blacko? Franchement, gros retour apparemment. C'est pas nous qui le disons. Ouais, c'est les gens. Ouais. Apparemment ça a l'air d'être officiel, donc on va essayer de soutenir le truc. Tiens, et pousser le projet au max. Si vous l'avez récupéré ce mini album, ce EP aujourd'hui, envoyez un petit message avec le hashtag Blacko sur Skyrock. On va faire un petit jeu tout à l'heure. Toi et Rice, tu nous as préparé un medley. Medley de quoi? De Blacko, une petite rétro. Ouais. Mais nous aussi, perspective, c'est festive. Nous aussi, on a préparé ça, donc vous allez pouvoir deviner et nous dire quel est le meilleur mix, quel est le meilleur medley. Soit c'est l'équipe de Skyrock, soit c'est Rise. Ah, ok. On commence par le nôtre. Direct. On commence par le nôtre parce que Blacko en musique, c'est ça surtout. Écoutez. Avec Blacko sur Skyrock. D'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Qui nous j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Juste un jour. Pas mal. Pause pour que l'on sache après quand on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que non. Planet Rap. Planet Rap. Alors. Planète Rap. Y'a trop de fans, tu vas payer la graille. Les mamans, tu connais les histoires. Bra. C'est une triste réalité, mais dur de s'utiliser dans leur matrice en genre. La rue, c'est pas ma mère. Aujourd'hui, je ne peux que regretter. La rue, c'est pas ma mère. Non. Quand je repense à tout ce que j'ai fait. Planet Rap. Mais oui! Bien! Wow! Quand sera mon gouverneur? Voilà, medley ça, de l'équipe de Skyrock. Franchement. Eh ben bravo. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, franchement. Et Rice, tu as la pression. Non, ah, Rice, tu sais, moi je suis toujours en toute tranquillité, tu sais très bien. Mais toi en plus, tu vas le faire en direct. Hein, toi. Voilà, donc c'est ça aussi l'audace du truc. Voilà. C'est le sans filet. Ce sera audacieux tout à l'heure. Revenons sur cet album qui est sorti. Oui, revenons. Et puis surtout, non, déjà revenons sur ce morceau qui a annoncé ce mini-album. Ouais. Quel temps est compté? T'as été surpris, toi, ou par la réception de ce morceau ou pas, Blacko? On s'attendait à un petit truc, mais pas autant. Donc on n'est que satisfait, quoi. On peut être que content. Plus on revient de très loin. Donc voilà, super heureux du truc, quoi. Bon, on va dire un petit mot. Très loin, c'était évidemment l'époque Sniper. Après, ouais, 2006, j'ai quitté le groupe en 2006. Ça, 2006, t'as quitté le groupe. Après, je suis parti dans une expérience reggae. J'ai essayé de me battre comme je pouvais, mais c'est pas reggae, c'est pas médiatiquement partout, quoi, comme le rap. Mais ça t'a permis de tourner un peu dans le monde entier. Ouais. Ça c'est vrai que ça a été quand même Nouvelle-Calédonie, Gabon, truc. À titre personnel, ça a été quand même quelque chose d'enrichissant. Super expérience. Et là, je mélange un peu toutes mes formules, quoi. Et MC Reggae Man, quoi, voilà, un petit mélange. Voilà, on sait aussi que c'était compliqué, parce que tu l'as dit dans plein de vidéos, contractuellement c'était super complexe, t'as traversé des moments où, voilà, la musique, t'avais juste envie de donner ta musique et basta, quoi. Ouais, mais j'avais pas le choix, on me menaçait de trucs au tribunal, machin. C'est soit je laissais mon album dans un tiroir et plus personne l'entendait, soit je le lâchais, je l'ai lâché. Après, ça m'a fait une grosse vague juridique, mais on est là quand même. Tu t'y attendais, toi, quand t'as débuté la musique, justement, toute cette aventure où tu la voyais un petit peu plus rose, entre guillemets. Tu vois ça avec des yeux d'enfant, en fait. Tu penses que tout va bien se passer, c'est génial. Mais non, tu vois que le business, ça cache un business, et dans le business, il y a des requins et il faut les débusquer et faire avec. Voilà, quoi. Bon, là, les requins, tu les as laissés 974, tranquille. Ouais, non, ils sont ils se baladent là-bas, vers Boucan, là-bas. À la Réunion. Aïe. Et donc là, concrètement, qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, Blacko, de repartir, de se dire, bon, allez, c'est bon, maintenant j'y vais. J'ai mis un petit peu de clair dans toutes mes affaires, dans tout ça. Je passe maintenant. L'envie de faire un album, c'est un challenge, en fait, tu vois. Un défi de faire, si on le faisait, quoi. Et en croisant des mecs comme Erise, on a bossé le truc. Et... C'était quoi la connexion, vous deux, Erise, la rencontre avec Blacko? C'est un moment où vous connaissez aussi? Ouais. À l'époque, déjà, quand on était avec BOSS. Ben c'est ça, oui, parce que j'ai dit à l'époque BOSS. On s'est un petit peu dans tous les labels. Mon premier son reggae, c'est ça qui est marrant. Mon premier son reggae, c'était Tu cours trop vite. Sur la réédition du premier album, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est lui qui joue la batterie de. C'est vrai qu'en même temps, Erise. Erise est tout jeune, il a commencé tellement jeune aussi. Ouais. C'est le papa qui m'a emmené un petit peu. Doc Ness, on salue, hein, il est là. Ouais. Son micro, voilà. On va l'entendre, ça va? Ça va, impeccable. Fantise. Papounet, Doc Ness. Toujours dans les bons coups. Toujours beau, toujours affrété. Tu vois ce que je veux dire? C'est Doc Ness Williams, t'as l'impression que c'est pareil. Le mec ne vieillit pas, quoi. Ça bouge pas. Non, mais franchement, après Blacko, ça faisait un petit moment qu'on cherchait à se connecter ensemble. Et par le biais d'un ami à moi, Yovo, qui a donné son numéro à son manager, Rodrick C. Et donc Drixé m'a contacté et à ce moment-là, boum, on est rentré en contact. Et le premier son qu'on a fait en fait à la maison, c'était Le temps est compté. Ouais. Le premier jour où il est arrivé. Ouais. Le temps est compté. On a composé ensemble et tout. Direct, posé, direct, celui-ci. Voilà. On était en doute dessus. On l'a écouté mais des dizaines. En fait, parce que ce son-là est prêt depuis plus de 10 mois, presque un an, il est prêt. Après, on se disait, est-ce que c'est ça? Allez, vas-y, c'est ça. Et puis ça a donné ça, c'est ce qu'on écoute maintenant. Le temps est compté. Et puis après, on parle aussi de ce mini-album, le EP qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Yeah. Dans les bacs, digitalement parlant. Hein. Ouais. Va le chercher. Le temps est compté, LTEC. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Et où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant. De sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain. réfugié. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant, faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Des fois mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Qui nous aiment me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter au effort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ils où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Blaco avec le temps est compté, c'est aussi le nom du EP, hein, le temps est compté, EP, qu'on peut trouver depuis aujourd'hui, là, depuis cette nuit. On peut cliquer et ça marche fort déjà. Cliquez, allez le chercher, laissez l'oiseau s'envoler et dites si vous avez apprécié. Voilà. Le temps est compté qui a été donc le premier morceau enregistré a priori, c'est ça le premier. Qui a redémarré la machine. Ouais, donc c'est celui-là qu'on a décidé de mettre en avant, de faire. On l'a fait en premier, on va le mettre en premier. C'est simplement. C'est bien aussi. Ils sont assez logiques. Ils sont assez logiques. En même temps, c'était bien aussi, voilà, de revenir un peu sur ce côté mélancolie, nostalgie, etc. De se dire. Ouais, de grandir, quoi. Voilà, et de pas surprendre les gens tout de suite avec un truc où ils comprennent pas le. Tu vois, le repère. Ouais, déjà, j'ai reçu beaucoup de messages. T'as changé, beaucoup, mais bon, c'est pas grave, t'as vu. Bah, en même temps, t'évolues, tu changes. Voilà, c'est ça. Mais que les gens ils voient que je suis dans les mêmes valeurs et les mêmes, c'est les mêmes choses que je défends, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a des valeurs qui comptent énormément pour toi. Ça, c'est un discours qui revient souvent dans tes interviews. Toujours. Sur tes morceaux aussi. Ouais, parce que le premier auditeur, c'est mon père. Et c'est un auditeur spécial. Est-ce que ça veut dire que justement, à l'époque de Sniper, il y a des choses que tu regrettes un petit peu ce que tu as pu écrire, de ce que tu as pu jouer sur scène Écrire, non, c'est juste. Mon père, ce qu'il voulait, c'est que Blaco, ce soit pas un personnage, en fait. Il me dit, Blaco, c'est Karl. C'est pour ça que je l'ai dit souvent dans mes morceaux. Karl, c'est Blaco. Blaco, c'est Karl. C'est pas, je vais être Blaco devant les gens, puis Karl avec des autres. Je suis le même. Je peux discuter avec des gens à la sortie de scène comme si je discutais avec mes potes. C'est comme ça. Et t'as l'impression qu'à un moment, justement, c'est vrai qu'on disait que Sniper, vous étiez tous jeunes aussi à l'époque. Est-ce que, voilà, quand on est un peu plus jeune, la tête tourne un peu plus vite Je crois que c'était un peu gros pour nous. Ouais. Après, il y a ceux qui l'encaissent et tout, et ceux qui. Voilà. Moi, j'avais besoin d'un recul et de m'apercevoir c'est quoi l'amitié si j'arrête. Tout a changé. Quand j'ai pris, tout a changé. Tout. Donc le téléphone qui sonne un peu moins. Il part en courant le téléphone, il veut plus, il a plus de travail, il sonne plus. Il sonne plus? Non. Donc tu te retrouves un peu, voilà. Avec femme et enfant. À la maison? Ouais. Ressourcé, tu parles aussi beaucoup de ton père. C'est vrai qu'il y avait Sniper et ce morceau Sans Repère, justement. Ouais, c'est pour ça, je l'ai retrouvé en voilà, c'est ça. Donc ça a été aussi un moment, je pense, important pour toi aussi, voilà. De renouer des liens ou. Je suis allé le voir à la réunion et tout, j'y vais souvent, voilà. Il connaissait mon parcours, il savait ce que tu faisais ou. Oh, il suit, hein. Ah, il suit de très très près. C'est de très très très près. Et donc là, voilà, ce qui ressort de toutes vos discussions, c'est ça, rester comme tu es, ouais. Blaco, c'est Karl. Il m'a déjà chassé de la maison là-bas à l'époque de Sniper. Il me disait devant lui, il me fait fais-moi ton rappeur. Et j'arrivais pas. Après j'ai dit, il m'a fait Blaco, il parle un peu cru, je vais pas le dire parce que voilà, mais il va aller se faire dehors. Voilà. Et donc t'es parti. Il m'a mis en sac à dos, je réfléchis, qu'est-ce qu'il me veut le daron. Mais en fait j'ai compris après. Au début j'ai trouvé ça dur mais j'ai compris. C'est donc ce que tu veux aussi enseigner. Tu disais que voilà, femme et enfant, c'est ce que tu veux enseigner, je suppose, maintenant à la descendance aussi. Voilà, Si jamais mes petites filles décident de faire de la musique, je veux qu'ils défendent des choses avec leur musique. Tu vois, C'est tout. Ils sont peut-être encore un peu jeunes là pour l'instant. Oh, Jaya, la plus grande, elle a 6 ans. Elle est... Ah, ça y est. Et même la toute petite de 18 mois, c'est bizarre. Elle connaît bien les morceaux. Ouais. De papa. Ouais, elle risque de venir, tu vois. Eh bah écoute, découvrira cette semaine entre 20 et 21. On va écouter quel titre maintenant, Blacko, de ce mini-album. Bah, comme il y a le temps est compté et que les gens ils sont restés sur ça et qu'ils se trouvaient ça, ouais, c'est un peu doux, truc. Mm-hmm. Un petit Dépasse les limites avec Joey, j'aimerais bien. Ah, Dépasse les limites avec Joey Star. C'est mon petit morceau. Voilà. Bon, et puis c'est une belle boucle aussi avec à l'époque Exercice de Style. Voilà, et c'est le 200, jamais 203. Ouais. On a fait Exercice de Style, on a fait Brûle. Brûle, exact. Ouais. Voilà. Et là, je voulais celui-là. Et bah, celui-là. Dépasse les limites, produit par Charisma. Voilà, Charisma, Big Up. Ouais. Et Rice, toi, t'as eu quel rôle dessus? Plutôt réalisateur? Ouais, j'ai réalisé. Bah, j'ai fait Y'a que celui-là que j'ai pas fait en fait. Ouais. Et un autre aussi, ouais. Accroche à mes rêves. Il y a Jazzy aussi qui a fait un titre. Jazzy Fizou qui est là aussi, jeune artiste de Marseille. Il y a Falline aussi qui a fait, Jazzy dont qui a fait des arrangements. On aussi. Entend pas mal de choses en ce moment. Ouais, ça, on garde ça sur le coude, là c'est pas mal. On tient le truc. Doucement, mais sûrement. On va revenir sur Jazzy tout à l'heure. Ouais, c'est ouais, pas ouais, le on mot, va, moi. On va en parler dans un instant. Dépasse tes limites avec Joey Star, ça a écouté maintenant. Ah oui! Toujours dans les trucs positifs, tu dépasses tes limites, yeah. Tu dépasses tes limites, ouais. Tu dépasses tes limites, yeah. Te démotiver, te freiner, te bloquer dans ta lancée. Sois toujours déterminé, fier et fort, t'as la guerrière de lion et mental d'acier. Sois toujours prêt à faire face, ne recule pas. Pense pour toi, ne renonce pas. Ne crains personne, à part le Très-Haut et tes remparts. Bat dans ton but, frère, fonce dans le tas. Il faut se battre pour être le premier, la moitié des meilleurs. Se lever pour gagner, un vrai compétiteur. Chaque jour s'acharner, chaque jour s'entraîner, chaque jour se dépasser, progresser, viser la place du vainqueur. Faut tout donner, ne rien lâcher, tout faire péter, tout arracher. Donner le meilleur de soi-même, dépasser ses limites, chaque jour se surpasser. Accroche-toi et n'abandonne jamais. On n'a rien sans rien, tu connais. Persévère, frappe plus fort que ton adversaire. Dépasse tes limites, voilà ce que tu sais faire. Let's go. Dépasse tes limites, dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Va chercher le titre. Dépasse tes limites, dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Pensez honneur, jette-toi dans l'arène comme un gladiateur. Oublie la peur, laisse-la pour les losers. Donne le maximum pour faire partie des meilleurs. Ça c'est pour les guerriers, ça c'est pour les soldats. Les gens déterminés, ceux qui ne lâchent pas. Toujours motivés et toujours prêts au combat. Toujours prêts de tête sans oublier combien d'en bas. La fureur de train, notre objectif c'est gagner, hey. Faut pas avoir peur, de transpirer ni de saigner. Non, faut se donner à fond. Instinct de spatial. On fait à bloc, aiguille dans le rouge. Toujours d'attaque. Les gens du temps. J't'en fous, laisse-les. Sourira, je les apprends déjà. Nous, fais ce que t'as à faire. Vas-y, fais-le. Pas besoin de trop parler. Fais ce que t'as à faire. Let's go. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Va chercher le tir. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Acéré, combattant féroce, rien ne doit t'arrêter. Dépasse tes limites et vise le sommet. N'aie pas peur de la douleur, tu la connais. Vas-y, montre-leur qui tu es. Que tu es un bon dans ce que tu fais. Ferme la gueule de tous ces jaloux. T'inquiète, même pas, ils sont pas prêts. Dépasse tes limites, va jusqu'au bout. Ton taf sera reconnu par les vrais. Les rageux, ça mettra dans le trou. T'inquiète, même pas, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ouh. Charisma. Fais ce que t'as à faire. Pas besoin de trop parler. Fais ce que t'as à faire. dépasser les murs. USS. Ouais. Dans le sport, dans les études. Ouais, même dans la méditation, dans la quiétude. Ah, mon man, dépasse tes limites. Every day. Hey. LTEC, pas le GG. Hey. Real. Blah. DTL. Dépasse tes limites à l'instant. C'est ça. Avec toujours en effet Jaguar Gorgon en pleine forme. Hein. Ouais, toujours. Toujours prêt à ambiancer un morceau. Ouais, ça m'a fait un plaisir de ouf. C'est vrai. Ouais, gros big up à lui et tout, il est venu. Voilà. Lourd. C'est un moment que tu l'as pas croisé, tu vois. Ouais, pareil. Mais c'était comme si jamais perdu de vue, tu vois. C'est ça que j'aime bien avec ce genre d'artiste. Ah, il oui. a sa carrière, sa renommée, tout, mais le snowball, pourtant il pourrait, t'as vu, je suis. Voilà quoi. Et ça s'est fait naturellement et tranquillement. Comme les précédents morceaux en fait. Pareil. Pareil. Et ça m'a mis la même vibe. Je l'ai un peu plus retenu parce que je suis plus vieux, tu vois. Mais je kiffais comme le petit de 11-12 ans qui écoutait Joey, tu vois. Il arrivait à quel moment justement ce morceau dans la construction de. Bah, sur la fin. Sur la fin. En fait, il m'a fait écouter des prods de Charisma, tu vois, un petit qui bosse avec lui. Et j'ai kiffé la prod. Tout le monde m'a fait blaco sur ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laisser moi, je vais faire un petit son et tout. Tout le monde était en. T'es sûr? Et finalement, on a fait le son et ça, j'aime bien. Voilà, kicker un petit peu. De la trappe et pas forcément tomber dans les clichés de la trappe, tu vois, tout. Mettre un message positif. Et ça, j'ai vu que ça te gavait un peu la trappe quand même. Hein. J'ai vu 2-3 interviews de toi en ce moment. Musicalement, musicalement, mais c'est les propos, les paroles, ouais. Ouais. C'est tournant rond. Ouais, mais même un rond, des fois, c'est mieux à regarder. Ouais, c'est pas. Non, voilà. Après, musicalement, c'est vrai qu'il y a une force aussi dans cette musique, quoi. Sur de la trappe, on peut être énervé, mais après, il faut pas être énervé gratuitement. Tu vois, faut avoir une raison pour être en colère. Si t'es en colère, tu sais pas pourquoi, c'est bizarre. Tu vois. T'es encore en colère, toi, ou pas? Concrètement, il y a forcément des choses qui te dérangent. Dis-toi, l'album qui arrive en mai, il s'appelle Dualité. Commence pas à l'énerver. Pas l'énerver. C'est que la première soirée. Non, c'est cool. Hop. C'est l'album qui arrive en mai, il s'appelle Dualité. C'est mon côté peace contre mon côté énervé, quoi. Et à moi de. Moi au milieu. Enfin, on est tous un peu comme ça. Et là, en ce moment, plutôt peace, ça va? Ouais, je suis bien. Je suis surexcité parce que tout ce qui se passe autour de moi, tu vois, c'est. Voilà. Attends, je regardais là les ventes, troisième meilleure vente en digital. Ouais. Franchement. Incroyable. Bah, c'est bien. Ouais, je suis content. La partie dualité, ouais. Un petit peu de bonheur dans ce monde de brut. Du bonheur. Que ça. Le temps est compté qui est sorti aujourd'hui. Alors, les gens qui nous demandent, on ne trouve pas dans les Fnac, non. On peut pas. Non, c'est qu'en digital. Et sur iTunes. Voilà, et sur le Play Store. Et je crois, il y a encore un truc. Je sais plus c'est quoi. Il faut demander à la technique. Ah, ça change, hein, maintenant. Hein, c'est là qu'on voit comment ça se fait vieux. Faire attends, c'est quoi le truc, merde. Non, ouais, on peut l'avoir uniquement en digital, je dis ça pour ceux qui veulent lire. L'album sera en physique, lui. Ça, c'est plus tard, au mois de mai, mai, juin. Voilà. Tu voulais dire un truc Non, c'est ça, en plus, maintenant, c'est en 2015, ça se passe comme ça sur le net. Hein. Donc, faut aller cliquer, vous récupérez, pour moins de 8 euros, il y a Le Temps est compté de Blacko, c'est le mini-album. C'est ça. Qu'on va découvrir aussi ce soir et toute la semaine. Vos réactions avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Tiens, dites-nous aussi les morceaux que vous appréciez du EP de Blacko, vous l'envoyez avec 41759. On va revenir dans un instant, bougez pas, Blacko, notre invité toute la semaine avec Le Temps est compté. Yeah! Ladies and gentlemen, Planet Rap. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Blacko sur Skyrock. You make it look like it's magic. See nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I worth it. don't pay no mind, but we live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you, you, you, you. Yeah. 'Cause girl, you're artiste, compositeur, producteur à l'instant, The Weeknd, artiste complet, vient du Canada, c'est lui qu'on écoute à l'instant sur Skyrock, dans ce Planet Rap consacré à Blacko, notre invité toute la semaine, Blacko avec nous. On est là, on est là, on est là. Entre 20 et 21, avec le mini-album, le EP, Le Temps est compté, qui est dispo depuis quelques heures, depuis aujourd'hui. Voilà, allez, cliquez sur iTunes, sur le Play Store, et voilà, quoi, et que l'oiseau vole. Et que l'oiseau vole, et que l'oiseau t'emmène en tournée, déjà, ça a commencé en plus, la tournée. Le 5 février, ouais, on est à, c'est mon anniversaire en plus. Cette semaine ? Ouais, le 5 février. Ça tombe pile poil cette semaine, parfait. Il n'a pas compris ce qui va se passer à Marseille, il n'a pas encore compris. Il y a que lui qui est au courant, mais tranquille. C'est quoi, première date, tu commences 5 février à Marseille ? Ouais, à Marseille, au Molotov. Donc voilà, rendez-vous aux Marseillais au Molotov. Les places sont dispo partout, si vous voulez prendre des places pour aller voir Blacko en concert. All right, tu veux filer quelques dates aussi, Blacko ? J'ai vu tu les as devant toi. Dans la continuité, on est le 6 février au Festival Couleur Urbaine à Toulon. Le 7 février à l'Antirouille à Montpellier, le 20 février au Ninkasi Kao à Lyon, le 21 février au Rock School Barbier, excusez-moi, Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Le 10 mars à la Chapelle des Trinitaires, le 12 mars à l'Empérage à Grenoble, le 14 mars à l'Antipode à Rennes, le 16 mars à la Dynamo de Toulouse, le 19 mars à la Boule Noire de Paris avec, c'est complet, mais il y a peut-être une deuxième date qui va se faire. Le 28 avril au Festival Printemps de Bourges et le 2 mai au Festival Rock et à Incourt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pas mal pour l'instant, et puis il y aura d'autres dates aussi. C'est pas mal pour un petit décollage. Bon, un petit décollage. Pour un petit amusé-gueule, franchement. Il va t'emmener jusqu'à l'album sorti avant l'été de l'album de Blacko. Il s'appellera Dualité. Comment l'album ? Dualité. Dualité, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Voilà. On remettra un autre titre dans un instant. All right, pas de souci. Qui s'appelle ? La rue, c'est pas ma mère. Très bien, La rue, c'est pas ma mère, on en parle dans quelques minutes. C'est à dire que c'est mon morceau préféré. Ah ouais, Raizé, c'est toi, c'est celui-là depuis le début. Qui a fait la prod de sur Raizé ? Ah, crois-moi. C'est un gars avec un bob et petit chauve. C'est toi. Ouais, c'est moi. C'est toi qui as fait la prod dessus. Ouais. Donc ton préféré en fait. Ouais, c'est mon préféré. Ouais. Et bah bougez pas, on va savoir dans quelques minutes si c'est le vôtre aussi. Et par téléphone, on est avec Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yeah, comment vas-tu Frédérico ? En pleine forme, et toi Kéfir ? Il ressent les blazes de l'époque Sniper, en fait, Kéfir. Ouais. Il paraît que t'es en direct d'un de tes concerts, Kéfir. Yes, yes, je suis en direct du Transborder et on va passer dans pas longtemps, là, dans une heure. À Lyon, c'est à Lyon? Ouais, je suis à Lyon, ouais. Ah, ouais. D'accord, il y a quoi donc ce soir à Lyon? Eh bah, du coup, il y a Necro de Brooklyn, c'est un précurseur du hip-hop un peu white trash. Et du coup, on fait sa première partie, on assure sa première partie. Eh bah, très bien, Kéfir. Donc, juste avant la première partie, chauffe-toi la voix maintenant, voilà, en direct. Yes. C'est parti, Kéfir. Crois-moi. Yeah. Ok. Ok. KFYR. Yo. Ok. Yo. Tout mon sac, j'ai pas déballé. Ce son est un balai calé. Pas les femmes demandent des tailles et bras et croyant que j'allais pas les galer. On voit le pit crade que je puisse mettre une tannée cette année. Celui qui peut me battre n'est pas né. Yo. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es amende à lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique. Le seul jour où t'étais chaud, c'est quand t'avais de la fièvre. T'enflamme pas. Si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu ne manques pas de souper. Voici mon couplet, coup d'épée pour tout péter, personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est pété, tu me redoutais, douter. Ton level, ton coup d'écoute, voulais tous me shooter. Toi, t'es content de toi, mais moi, j'ai confiance à l'auditeur. C'est mon contre-emploi, je me déploie pour plaire aux chroniqueurs. Balancer des trucs purs, c'est la devise de l'équipe. Produire des beats et des kicks sans la moindre structure. On se procure notre propre promo, les propres topo. On avance face à trop de murs. La vérité, on a le salaire de l'intermittence. L'impertinence, le paye pas, ne sais pas si t'en avais l'idée. Interdit de danse depuis l'époque des boom rap. Adolescence étalée sur des prods boom bap. Y'a les MC sur tous leurs valeurs, j'ai côtoyé. Trop de photocopies avec le discours que trop croyait. Ça fait bla bla bla. Je me suis octroyé le droit. Et le flow qui les atomise ramène tous mes protagonistes au toit. Je vais les foudroyer, kick feu soyez. Je rêve impossible à soudoyer. One mic, Kéfir, KEFYR. Saint-Etienne pour Blacko, KEFYR pour Aïda, pour Fab, pour les deux Fab et Frédérico. Kéfir. Merci à toi, Kéfir. Ah, Kéfir, on a un cadeau pour toi. Ah oui, il y a le cadeau aussi cette semaine qui continue. Ouais, c'est une chicha électronique de la marque Ouki. Ouais, yes, mortel. Et c'est petit cadeau. Voilà. Et bah, petit cadeau pour tous les freestylers. Voilà, tous les freestylers de la allez-y. Semaine. Allez-y, chicha électronique à choper. Petit cadeau. Chicha Ouki, ça tue. Allez sur le site internet. Ouki. Right. C'est Ouki. Mortel, 1759. Merci. Merci Blaco, Kéfir, juste un truc déjà, je vais quand même te faire remarquer que Kéfir, que Blaco a une sacrée oreille puisqu'il nous a dit il est pas passé dans le Planète Rap de Lino, Kéfir. Ouais. Il nous ressort son texte. C'est la face sur Amanda Lear, je l'ai entendu dans le truc à Lino. Ah, c'est une galère celui-là. C'est mortel alors. Non, mais moi j'écoute, tu vois, ça, j'écoute. Ah, c'est mortel alors. Est-ce que c'était audible? C'est audible. Non, c'est bon, continue frère. Lâche rien. Merci. En tout cas, si toi tu m'as découvert sur la Planète Rap de Lino, moi je t'ai découvert depuis l'époque, mais vraiment l'époque. Je kiffais vraiment, déjà du rire aux larmes, bon, il n'y a rien à dire. Sur le son avec Puissance Nord, j'ai plus que kiffé trucs à l'ancienne. les sur Première Classe, Association de Charles a posé sur un beat qui se lève. Ah ouais, il va aller voir. C'est Stéphane qui doit être content. Parfait. Les feats avec aussi CMP Familia, Ross, voilà, tout ça, je kiffais. ATK, M Group. En fait, t'as traversé une époque de fou, t'as fait des feats de ouf. Ah, et si Dieu veut, ça continuera. Il est en biographie de fou. Ah, Kéfir, il connaît bien le rap, il est très fort. Big up. Merci à toi, Kéfir, en tout cas. Mon concert à Rasto. Dans combien de temps, là, sur scène? Sur scène, on est programmé à 21h25. Ah, ok, bon, ça va, t'as encore toute petite heure. Yes, Bah, profite bien, Kéfir, merci d'avoir été avec nous en direct. Donc, merci à tous, de Lyon, même si tu viens de Saint-Etienne, évidemment, Kéfir. On connaît la dualité justement entre les Stéphanois et les Lyonnais. Merci à toi, Kéfir. C'est marrant en tout cas les morceaux qui t'ont ressorti parce que il est allé loin, il est plus haché dans les ressources. Ah, crois-moi. Alors, on va balancer par contre un titre signé 2014-2015. Hein, ouais. Celui-ci s'appelle La rue, c'est pas ma mère. Exactement. Qui arrive à quel moment dans la construction de l'album celui-ci? En milieu, presque la fin, au milieu, je pense. Ouais. Ouais, milieu de trajet. Il est arrivé contre toute attente, celui-là. Exactement, pareil. Il a mis un son, j'ai fait une mélo et après on a mis les mots sur la mélo et on s'est regardé, on a pleuré. Et ça donne ça. Non, let's go. Conscious lyrics, yeah! Skywalk, yeah. Écoute! J'ai délaissé ma mère, j'ai délaissé mon père pour aller traîner en bas. La rue était mon repère, elle était ma fierté, mon honneur, mon combat. J't'aurais sauté dessus si tu en parlais mal, si tu ne la respectais pas. Avec elle j'étais le jour, j'étais la nuit, mais je n'étais jamais vraiment moi. Elle m'a appris à jouer des rôles et les rôles m'ont appris à avoir le cœur froid. Elle m'a souvent écarté du bon chemin, m'a souvent empêché d'être un fils roi. Elle m'a appris un tas d'insanité, m'a même appris à jurer sur ta tête. Elle m'a volé du temps, trop de temps, oh ma petite maman, comme je regrette. La rue c'est pas ma mère, aujourd'hui je ne peux que regretter. La rue c'est pas ma mère, non. Oh, quand je repense à tout ce que j'ai fait, la rue c'est pas ma mère. Maman j'aurais dû t'écouter. La rue c'est pas ma mère, non. J'en ai passé des heures, posé à rien faire, posté dans le holo quartier. À fumer des spliffs, déconner, discuter, regarder le temps passer. Le soir j'allais manger avec l'équipe alors que la maman avait tout préparé. Trop souvent absent, je rentrais quand elle se levait pour aller travailler. À l'époque on disait qu'on tuait le temps, mais finalement c'est bien lui qui nous tue. Une adolescence sur le ciment, finalement beaucoup de temps perdu. Oui, je m'excuse maman pour toutes ces fois où tu étais inquiète. La rue m'a volé du temps, tellement de temps. Oh ma petite maman, comme je regrette. La rue c'est pas ma mère. Aujourd'hui je ne peux que regretter. La rue c'est pas ma mère. Non. Oh, quand je repense à tout ce que j'ai fait, la rue c'est pas ma mère. J'aurais dû t'écouter. La rue c'est pas ma mère, non. Oh, oh yeah yeah yeah yeah. La rue c'est pas ma mère. LTEC disponible, yeah, sur iTunes, Play Store. L'oiseau il s'envole doucement, doucement mais sûrement. La rue c'est pas ma mère. La rue c'est pas ma mère, non. Oh, ta cité c'est pas ta mère. Et si tu crèves, elle aura tout, tu veux tout. Hey yo, passe pas trop de temps dehors, reste un peu chez toi avec les parents, tu verras. Parce que quand le temps il va défiler, ça sera moins marrant. Ariel, yeah yeah yeah yeah. One, one. Blacko, le temps est compté, c'est le mini album qui est dispo depuis aujourd'hui. Ouais voilà. Avec ce morceau là. Petit oiseau. La rue c'est pas ma mère à l'instant sur Skyrock. Voilà. Blacko avec nous, Erais est au platine. Ouais, ouais, ouais. C'est alors, on t'a lancé un défi. Ni casque, ni rien, ni truc, mais tu connais. On t'a lancé un défi. Tout terrain, tu vois. Tu as écouté, le défi. Tu as écouté le medley de l'équipe Skyrock. Ouais. Est-ce que tu peux mieux faire? Franchement, je vais faire un petit peu tourner les sons. En fait, ceux qui m'ont marqué, en tout cas, par rapport à sa carrière. Ambiancé par Blacko. Voilà. Ouais, il va ambiancer un peu, je pense. Ouais, ouais. Eh ben, c'est parti, on y va. Erais. Lego! Et pour ceux qui connaissent, eh ben monte le son dans ta voiture et mets-toi bien. Ah oui, ah. Eh, c'est pour les tout nouveaux et même les anciens. Sur ton sort, relève la tête, regarde, non, ça n'est pas mort. Dis-toi, oui, celui qui veut s'en sortir, sort du ghetto et de ses mauvaises. Qui c'est qui se rappelle de ça? Ta vie, est-ce que tu en fais? Caché un navire à l'arrivée, ça fait. Bang, bang, remember. Le message vient du cœur, passe-le aux frères et sœurs. Là qu'on vient chanter. Sur ton sort, relève la tête, regarde, non, ça n'est pas mort. Dis-toi, eh ouais, celui qui veut s'en sort. Et aussi pour tous mes trentenaires. Aïe, aïe, aïe, aïe. L'escadrille, 7-8. Bang. Ah ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Hugo, faut les clés sous bois, frère. 7-8-340. Yeah. Le cul sur un banc, on se tape des barres. Laisse-moi appeler, paye ta canette, roule la. Tu te rappelles? Venez, on part à Anvers, soit dame des spas, on part. Paye la réseau sur un coup, j'ai yeah, yeah, yeah. C'est ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Remember. Vas-y, sors de ton, on se casse à Dakar ou Rabat. Ça part le voyage, des parts de rire. Les gars, pour le mec de Saint-Cyr. C'est tu. Bang, bang. Moi, ça me fait kiffer. C'est ça. Quand on est dément, ma ghetto-réalité, c'est tellement chose, comment t'expliquer. Ici, les vibes sont trop bonnes. J'suis dans mon petit d'anglaise, moi, ça me fait kiffer. Quand on est dément, ah oui. C'est tellement chose, comment t'expliquer. Ici, les vibes sont trop bonnes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh ben voilà, pas mal celui-là. Pour ceux qui se rappellent aussi, hein. 113, big up. Ah, si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour. Remember. Une trêve, une pause pour que l'on sache après ton coup. Sais-tu encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non. Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Surtout de nos jours. Les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ah oui. Ne lui vendez pas vos âmes. Strong. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Et il y en a encore un, en croyez-moi. Qu'est-ce que t'as dans ta marmite encore? Ah, j'ai ça, tu te rappelles pas de ça, Fred? Vas-y. Tu vas me dire? Fais mijoter. Ah ouais, si tu le fais mijoter de cette manière. Big up Strisky, Soprano, ouais, Mej, tout le monde, Matteo, ouais, toute l'équipe. Big up. Sony Pro, tout le monde. C'est ça. Lego, Lego. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Et on sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on n'ose plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Même dans ta voiture, même chez toi, imagine. Tes yeux, imagine ta vie dans un pays où les hommes politiques sont un trahi, où la liberté est une conspiration, Marseille, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, ouais, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur comme la canicule chose, de ces pays où pendant deux mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent. Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mis sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui tue. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche. Alors, vous voulez comme Maman Galédou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant. Allez. Et avant d'essayer la vie. Big up Marseille. Allez. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Salon Nord ce soir, Salon Nord, le budget. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Blanco. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras comme ta vie est belle. Allez. Babylone brûle, la chaleur rase son épargne, barreau des cellules, qu'elle incinère ton fils, qui part en testicule, tu connais, un, blanc, blanc, c'est ça, qui t'en... Rappelle-toi, on t'emmène dans notre monde à l'écran, des good vibes, aïe aïe aïe, allez, good vibes. On t'emmène dans notre monde à l'écran. On reste vrai et discret. C'est du très bon vrai, c'est plus de vrai. Je te sors système. Je sais pas y être maudit, tu colles fort la haine. J'en veux pas. Je ne crois pas que tout ça me convienne. Toutes les bad minds, tu sais que elles sont tiennes. Mais pour avoir fait il faut un trou dans l'abdomen. C'est ça. Avoir fait 3 ans de placard, on parle d'égal comme des chiennes. Être couvert de tatouages et les refaire toutes les semaines. S'enfermer dans un rôle. Parler d'une vie qui n'est pas sienne. Non, je préfère la simplicité. C'est ça. L'humilité. Voilà. Le naturel et l'authenticité. Ce charme garde mon protège. Mais je ne vais pas mettre les pieds dans ce manège. Bien sur le sol, et si un jour mon rôle là, on aura pas les vivre. On le code dans les bagues, rétrospectives. Mets-toi bien, mets-toi bien. Si tu vois de quoi je te parle, non, je ne veux pas mentir aux gens ni me mentir à moi. Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça pour te tromper. Je veux juste rester moi et laisser une trace. Et pour me regarder dans la place. On t'emmène dans notre monde à l'écran. Il veut des coups de bas. Bah la marmite elle est chaude hein. Oh là là. Pas mal hein. Et ça s'arrête là, Rise. Match nul ou... Non, tranquille, on va pas aller trop loin. T'as ça, pas c'est... un petit dernier pour la route? Un petit dernier pour la route. Mais non, mais je j'aurais mis un petit exercice de style. Ah, tu vois, oh, il fallait le chercher. J'en ai un dernier, mais croyez-moi. Croyez-moi quoi? Ah ouais, celui-là c'est un. Hey, pour tout mon bon rayonné 974, j'en ai mis. Big up à toute la réunion. Les voilà. Charlie Claudion. Ouais, le pied. Ouais, le. Hey, ah, on lui, Castagnette aussi. L'équipe de la Réunion, on se connaît. On se connaît. Allez. La Réunion, Léla. 974. Rire. Écoute à moi. Amalia. La Réunion. La Réunion, Léla. 974. Goûte à nous. Rire. Rire. On va faire. je chante pour les miens. La Réunion, ça m'a diamantine, paye les moines. Le bijou, la perle rare, la reine de l'océan Indien. Chaque jour, il manque. Voilà, c'est bien quand même, Samy, 974, Examalia, ce morceau à l'instant. De Blacko, bravo, bravo, mal, bien, bien, mais regarde, beaucoup de messages pour moi, toi. Moi, je dis vote du public aussi. Hein. Vote du public voilà, moi, d'ici, là. Attendez, blind test pour. Enfin, blind test. C'est comment on appelle ça, là, l'applaudimètre. Applaudimètre. Pour le mix Skyrock, applaudimètre. Ouais. À 49,50. Pour le mix Rizé, applaudimètre. Ouais. Oh, les tricheurs. Ils applaudissent très près du micro. Ounia, ça fait bizarre. Je vois sur ton applaudimètre 49,50 pareil. 49,50. Donc égalité parfaite. Voilà, 100, magnifique. Parfait, voilà. Magnifique. Voilà, au moins c'est réglé. On a tous les deux fait le taf. Voilà, balle au centre. Il y a d'ailleurs sur la tournée, il y a ces morceaux aussi que tu fais par medley. Toi, ouais, Blacko, ouais, tu reviens forcément sur Sniper. Ouais. Après, on peut pas tout dévoiler aussi, pas Fred. Pas tout, mais ouais. Non, mais... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent aussi. Bah oui. Donc, tu vois, et moi, ça me fait plaisir aussi. Et d'ailleurs, moi, c'était pour revenir là-dessus sur Sniper et puis ouais, on passera aussi à autre chose. C'est le clip sur Préviens-les que t'as fait où tu brûles le disque d'or. Mais c'est. C'est un truc en mode code. Comment tu l'expliques ça justement? Parce que. C'est en fait, les gens ils vont prendre ça, ouais, c'est un clash, un truc. Non. Parce que même avec les deux protagonistes, on en parle au téléphone, sans s'embrouiller. Ils me disent, on comprend ton geste, tu vois. C'est plus quoi? Plus que ce qui s'est passé derrière sur les côtés contractuellement parlant. Voilà, déjà, il y a tout le côté. Moi, Sniper, c'est que du 7 ans de procédure juridique. Donc ça me met en feu un petit peu. Et aussi une amitié qui était gâchée. Là, elle commence à se renouer. Mais il fallait des fois, tu vois, c'est comme dans un jardin, une jachère, ou je sais pas, tu fous le feu, après ça pousse mieux. Ça pousse mieux, vois. Ouais. Et ben là, bizarrement, tu vois, je dis ça, je dis rien. Il y a des trucs. Bon, en tout cas, vous parlez. Il y a des trucs. Bon, écoute, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et ouais, revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est toujours choquant quand tu vois. Et puis surtout, il y a plein de gens qui ont aimé, tu vois, quand on passe les morceaux de Sniper. Et je voilà, mais aussi, quand tu les joues sur scène, tu peux pas non plus faire un trait là-dessus. Non. Donc, brûler le disque d'or, c'était pas là-dessus non plus. C'était pas non, uniquement c'est brûler pas, la. Je crache sur ce que j'ai fait, pas du tout. C'est ce que ça m'a fait, plutôt. Je crache sur ce que ça m'a fait, toi, plus. C'est juste ça. Voilà, c'est les clips Préviens-les qu'on peut loin. Qu'on et peut même mater. Tu vois, si ça aurait été un truc plus clash, l'expression de mon regard, si on détecte bien le clip, c'est pas de la rage, c'est pas, j'ai pas les sourcils froncés, on ressent de la déception, un peu de tristesse et de, tu vois. Bah c'est ce qu'on ressent plus, ouais. Et après le morceau qui démarre derrière, c'est un truc un peu, tu vois, pisse. C'est pas ouais, je vous déteste, nanana, c'est pas ça. Tu vois, c'était comme l'oiseau de feu, je renais de mes cendres. C'est dans les cendres de ça que je suis un peu mort, tu vois. Donc je suis René là-dedans, dans ce feu-là. Je l'ai matérialisé. Voilà. Tu l'as matérialisé, c'est vrai que dans le clip, puisqu'il y a aussi des images qui accompagnent ce mini-album, voilà. on peut retrouver les images sur ce clip. Préviens-les. Avant de se quitter, on finit avec quoi, Blacko? Est-ce qu'on remet un temps à compter? Moi, je verrais bien un petit accroché à mes rêves. Ouais. Ça vient de sortir, il y a le clip qui. Voilà. C'est pas d'ailleurs, mal. C'est Charlie Clujon qui a. Charlie, qui a il est où Charlie? Il est là. Viens dire un petit mot, non? Il est planqué, incroyable d'être comme ça. L'homme de l'ombre. Non, en tout cas, gros big up à lui parce qu'il a fait un gros et travail. Et à Droniste aussi, il se reconnaît, on se sait. Viens, Droniste. Personne ne vient à Rise. Hein. Ah, en fait, c'est l'équipe du clip quoi qui est. Voilà. Donc, qui préfère parler en image. Voilà, eux c'est en image. Eux c'est en image. En image. Et en plus, le clip vient de sortir. Voilà, aussi, oui, aujourd'hui, là, il est arrivé à 17h. Voilà, allez sur ma page Facebook, sur Twitter, sur partout dans l'écran, dites ce que vous pensez du clip. Voilà, c'est. Voilà. On y va, c'est parti, le morceau Accroché à mes rêves. Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point. À qui c'est à tort? Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. J'aurais tout essayé, mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. Celle qui n'est pas mon instinct, de toutes les façons. Seul je sais ce que me réserve le destin. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser. Il faut les enjamber. Rester conscient. concentré sur mon objectif. Que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça remballe le coup. On va chemin. Même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. C'est dicté par mon instinct de toutes les passions. Seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah, yeah. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup, j'ai un bon ustensile. C'est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui, c'est vrai. Faudra que je sois MC Reggae Man. Ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel, même s'il est orageux. Oui, je ferai tout mon possible car nous est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est pour moi. Ah oui, très bien, je fais mon chemin. Ah, je bataille, même si il faut que je bataille. J'irai au bout de mes ambitions. Et comptez, c'est le EP de Blacko. Vous retrouverez ce morceau accroché à mes rêves. Voilà, et dites-vous bien ça. Que c'est un morceau qui va beaucoup tourner sur Skyrock. Hein. Ah, bah, ça y est, il est rentré, il est rentré. Ça y est, il est rentré. Croyez-moi, il est rentré. Accroché à mes rêves, c'est ce qu'on écoutait. Le clip est arrivé aussi aujourd'hui, hein, c'est ça, Blacko? C'est ça, il est arrivé à 17h aujourd'hui. Donc cliquez sur YouTube et c'est parti. Allez-y, allez cliquer et puis tu vas revenir aussi tous les soirs de la semaine entre 20 ouais, et 20. Ouais, Blacko, ouais, merci pour cette première soirée. Avant merci de se quitter, à vous, merci à tout le monde. Tiens, on va faire tourner une roulette qui va te faire plaisir. Écoute. Allez. Skyrock t'offre la superstar. J'aimais bien la Skyrock. C'est États-Unis. Je vais encore tournage. 4 jours complets à Chicago pour deux, avec l'hôtel, les petits déj et la visite des lieux du tournage, avec même un dîner sur place. Plus un iPad mini à gagner tous les matins sur Skyrock. As-tu déjà vu une moisson? Jamais. Jupiter, le destin de l'univers. Je crois que ce sont les pubs en fait qui sont partis. Et aussi tous les matins de 6h à 9h. The Morning Show. Dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Au moins ça s'est fait. Ah bah voilà, ça, voilà. au moins c'est fait. Je me disais, putain, le lancement d'un roulette, j'ai jamais connu ça aussi long. Voilà, vous avez passé la pub au moins. Ça, c'est bon. C'est chez vous, Difool, que ça a merdé, non? Non, non, je sais pas, ça vient de chez vous, a priori. Ah bon, je sais pas, normalement, la pub, j'ai pensé faire tourner la roulette. Roulette. Et on s'est pris 30 secondes en pleine gueule. Ah bah c'est ça, la roulette, surprise de la soirée. C'est la grande surprise de la soirée. Peut-être maintenant on va pouvoir faire tourner la roulette. On va réparer un peu la roulette parce qu'elle était un peu. Allez, faisons. Il fallait mettre un petit coup de l'huile. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti maintenant. Ah, elle roule. Skyrock t'offre la superstar US Nicki Minaj en concert avec ta radio préférée. Oui, je te disais, la roulette, tu vas apprécier, c'est Nicki Minaj dans la roulette cette semaine. C'est quoi? Place de concert à choper. Ah, d'accord. C'est Cécile Desvreux qui vient chercher ses places. Salut Cécile. Bonsoir. Salut, bonsoir ça tout le monde. Ça va monde. Bien, bonsoir Blacko. Salut Cécile. Oh, la petite voix cassée de Cécile, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, Cécile non, ça fait 3 jours là que je suis malade donc. Est-ce que tu as. Est-ce que tu vas pouvoir me faire un stop quand même, Cécile? Ah, mais je vais le déchirer. Eh ben, on y va, tiens, allez, donne tout. Allez, attention. Et la roulette qui va s'arrêter. Alors. Et ben voilà, concert Nicki Minaj. 25 mars, c'est blindé. 26 mars, au Zénith de Paris. Elle est dégoûtée, elle aurait voulu avoir Blacko et tout. Mais tu passes pas du côté d'Evreux, Blacko, par hasard? Évreux, en Normandie, plutôt. Normandie, non, c'est pas tout de suite. Je crois pas encore. Hein. Pas tout de suite. J'avoue, on est un peu loin en Normandie. J'avoue. Et ben on te fait plein de bisous en tout cas, merci à toi. C'est moi, merci. Est-ce que je peux faire juste vite fait une toute petite dédicace? Vas-y, non. Vas-y. Une grosse dédicace à mon mari que j'aime et puis un gros big up à vous Skyrock et à Blacko. Ok, on te fait plein de bisous. Mais pas à moi. Non, non, pas Héraïs. T'es plus lui, merci beaucoup. Par contre, le mari derrière te fait plein de poutous. Ah, il va se débrouiller avec d'autres personnes. Il fallait être audacieux. Merci à vous, merci Blacko pour cette première soirée. Merci Héraïs, merci à tout le monde. Merci Héraïs. Big up, Radmos, Dain. Merci Jazzy Bizous. Voilà. Qui était là avec nous. Oh, on n'a pas beaucoup parlé. Demain, tu reviens. Ouais, mais c'est pas son heure. C'est pas aujourd'hui. Donc, Nes, Drixé. Ce sera demain. Jazzy aujourd'hui est en tant que compositeur. Voilà. Et ben, on retrouvera dans la semaine avec tout le monde. Lui, il y aura l'émission avec Choisy, peut-être. Et je rappelle que le EP est sorti aujourd'hui, uniquement en digital. Hein, uniquement. Exactement, allez tous l'attraper sur iTunes. Le bardis Blacko est de retour. Le temps est compté. Merci à vous, D-Fool. Oui, Fred. Ça y est, j'ai entendu que tu étais là. Donc, oui, on attendait là. Morgan, les clés. Non, on écoutait le Planète Rap de ce soir. Et qui continue toute la semaine. Voilà. Et toute la semaine avec Blacko, le grand retour. Ça fait plaisir, Blacko. Ben merci, ouais, super content. Eh ben écoute, nous aussi, on va profiter toute la semaine, 20h, 21h. All right. C'est dans Planète Rap. All right, Blacko. All right. Et rendez-vous demain. Rendez-vous à demain. Yes, big up. See you tomorrow. Ah, yeah, see you too. Yes, thank you. À tomorrow. À demain. Pas mal, pas mal. Merci, Fredo. De rien, de rien, de rien. Demain, Planète Rap, Blacko est là. De retour. Dans un instant, c'est parti avec un petit blind test pour toi, Fred. Allons-y. Allez, c'est parti pour toi, Fred, et tous les autres aussi. Ah. Erise, Erise. Dans l'oreille, dans l'oreille, dans l'oreille, l'oreille, dans l'oreille, Erise. Qu'est-ce que c'est ça? I'm in love with the... Oh non! Mais ça, c'est tellement facile. C'est Oti Genesis. Ouais, Oti Genesis. Coco. I'm in love with Coco. Mais c'est la noix de coco, hein, Kid. Ouais, bien sûr, oui. Il adore la noix de coco. Il adore la noix de coco. Les flancs noix de coco, il adore. C'est quoi le remix? J'adore la noix de coco. Ah, ça va. Ce mec, il adore la noix de coco. On avait la version I'm in love with Romano aussi, ça marchait pas mal. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal aussi. I'm in love with Romano. Allez, Coco, pour démarrer la soirée, Radio Libre en direct au 01 53 40 30 20. Vous appelez si vous voulez passer dans l'émission, faites tout péter demain soir. Ils sont là dès 20h, Blacko, Fredo et tous les autres. Ciao, ciao. Tout le monde. Bing. Salut tout le monde. Et Coco, T-Genesis, c'est tout de suite sur Sky. 1500 euros tous les matins sur Skyrock. Putain, c'est Skyrock.